vertu, je reconnais tout le monde entier comme des traîtres, des faibles qui ont rien à envier. J'suis pas d'humeur ces jours-ci, viens pas me faire chier avec tes rumeurs et tes jokes plates. J'vais te remercier, j'ai envie d'être seul au monde et d'être tranquille. Fait que fous-moi la paix avec tes cartes et pas plus le monde qui se fait coûte 100 000 sans rire. J'ai goût démolir, de crier ainsi que m'enfuir, m'installer sur le bord de la plage et de m'enfuir. Parce qu'à l'instant, la vie, j'ai pas le goût d'en jouir. Avec un pourtant, j'devrais en rire. J'suis pire qu'un bulldog avec mon mauvais caractère. Quand je chie le mal, j'remords mes problèmes comme un train. C'est comme si j'serais dans un cratère que j'essayais d'en sortir, mais c'était toujours en vain. Enfin, j'fuck à la planète entière, parce qu'il y a déjà le tiers de moi-même qui appartient à Lucifer. Look on the windows, all of my times. Rain's going out on the streets and I won't run. I hate all the people of my life. My chains on my feet and I won't believe it. Wait for my chains to escape from here. I can't understand what I have to do. I know I can stay at the same place now. Why should we? Can you tell me how? Check-moi dans les yeux sérieux avant que je pogne une heure. Prends-le comme une menace ou un avertissement. J'en ai rien à foutre, aujourd'hui je pète ma coche à tout bel air. Une étincelle près du gaz et l'explosion quand elle lui touche. Je sais que je suis nerveux, que mes réflexes sont pas toujours bons. Désolé, je suis pas parfait, mais je recherche la perfection. Fermez-moi quelqu'un avant que je fasse un attentat. De l'adrénaline, je pourrais en vendre en masse. J'ai aucun quota. Tenez-moi quelqu'un avant que j'aille sauter dans le tas. Donnez-moi une shot de morphine, depuis le début que j'attends ça. Et une fois que je suis pompé, je dépompe plus, je débite autant qu'un boyau pompier. Encore plus fou qu'un dictateur qui cherche sa vengeance. Encore plus sous de rage qu'un tueur qui attend sa sentence. Magico se cherche une victime parmi les cibles. Check ton dos, tu sais très bien que tu devrais y lire la Bible. Je suis fanatique et je touche toujours dans le mille. I look at the windows all of my time. The rain's going down on the streets and I want to run. I hate all the people all of my life. My chains on my feet and I want to believe in. Wait for my chains to escape from here. I can't understand what I have to do. I know I can stay at the same place now. Why should we? Can you tell me how? Ouais, je suis frustré parce qu'il y en a qui ont abusé. Regarde-moi la face, est-ce que j'ai l'air d'un gars qui veut s'amuser? J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis sur un lendemain de veille. Ce serait peut-être mieux de fermer ta gueule parce que je t'éveille. De péter une psychose avant que je m'éveille. Ça va faire un bout que tu vas être dans ton sommeil. Je suis sûrement un vampire, je me couche au lever du soleil. Quand l'humeur m'empire, c'est un cauchemar, il faut que je me réveille. C'est qu'au pire, je vais y laisser ma peau. Si mes organes sentir, restera dans Chico. Pas besoin de me faire dire qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai pas envie de me faire lire les lois pour éviter l'enfer. Laissez-moi être tranquille, tout va bien aller. Je vais virer des piles, pis ils vont tranquilliser. Look at the windows all of my time. The rain's going down on the streets and I want to run. I hate all the people out of my life. My chains on my feet and I want to believe in. Wait for my chains to escape from here. I can't understand what I have to do. I know I can stay at the same place now. Why should we? Can you tell me how? All the people all of my life. My chains on my feet and I want to believe in. Wait for my chains to escape from here. I can't understand what I have to do.